Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Je m'appelle Erica. This is an upper intermediate lesson. Alors aujourd'hui, on a une situation où on se retrouve dans un magasin où on vend des costumes. Dans cette leçon, on va apprendre quelques mots détaillés si on veut vraiment acheter quelque chose dans une boutique. Voilà, exactement. On aura un vocabulaire assez soutenu, mais dont on peut avoir besoin lorsqu'on a une conversation avec un vendeur. C'est ça. Donc, direction le magasin, on écoute le dialogue. Bonjour mademoiselle. Alors voilà, j'ai absolument besoin d'un nouveau costume pour une importante réunion demain. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Vous recherchez quelque chose de plutôt sobre, je suppose. Disons, un costume noir ou... Non, plutôt gris foncé? Du gris foncé, c'est une idée. Avec des rayures blanches, par exemple? Des rayures? Vous êtes sûr? Ça ne risque pas de faire trop? Non, regardez ce modèle avec de fines rayures, par exemple. Ah oui, il est beau. Je peux l'essayer? Bien sûr, les cabines d'essayage se trouvent au fond, à droite. Merci. Il est à ma taille, mais les manches sont un peu longues et il est un peu serré dans le dos. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons un service de retouche. Votre costume sera prêt en une heure. Eh bien, c'est parfait, mademoiselle. Mais s'il vous plaît, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume au niveau du dos pour le desserrer. C'est noté, monsieur. Aussi, pour allier sobriété et élégance, j'ai pensé que cette chemise bleue et ces boutons de manchette en argent massif seraient idéaux. Pendant que vous les essayez, je vais vous chercher une cravate qui se mariera bien avec l'ensemble. Je pense qu'une cravate de soie dans les tons bleu-azur fera l'affaire. Excellent, mademoiselle. Alors, nous revoici dans cette situation d'achat, donc où la personne, on peut l'imaginer un peu pressée parce qu'elle a un rendez-vous le lendemain. Donc ce client, il a besoin d'un nouveau costume. C'est ça. J'aimais bien ce dialogue parce qu'on apprend beaucoup des mots détaillés si on veut vraiment parler avec le vendeur ou la vendeuse et on veut acheter quelque chose exactement ce qu'on cherche. On apprend le langage, les phrases, les mots détaillés pour vraiment s'exprimer dans cette situation. Donc après avoir expliqué ce dont il a besoin, il demande évidemment... Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Alors, comme elle voit que c'est pour une réunion, donc probablement une situation de travail. Oui. Donc, elle s'imagine qu'il a besoin de quelque chose de plutôt sobre. Le mot sobre, c'est comme classique, n'est-ce pas? Voilà, on va dire que c'est quelque chose de simple. Mm-hmm. Quelque chose qui n'a pas trop de couleurs. Simple, pas trop d'ornement. Disons, par exemple, comme elle a dit, un costume noir, plutôt gris foncé. Oui. Et il dit, Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. C'est une idée, ça. Ouais. Mais elle a suggéré quelque chose en plus. C'est ça. Elle a de la suite dans les idées. Et donc, elle voit déjà un peu le costume dans sa tête. Et elle propose des rayures blanches. Des rayures. Donc, ce sont des lignes qui coupent le vêtement. Stripes. So, it's really stripes, les rayures. Il n'est pas convaincu. Mais non, parce qu'ils se sont mis d'accord... sur le fait qu'il faut un costume sobre. Oui. Et évidemment, avec des rayures, est-ce que ça ne risque pas de faire trop? Ok, sur faire trop. Voilà, en fait, faire trop, ça veut dire exagérer. Mm-hmm. Ne pas rester dans la simplicité. Mm. Donc, on pourrait dire pour expliquer, par exemple, si certaines filles, tu vois, quand elles mettent du maquillage. Oui. Bon, d'accord, je comprends, il faut mettre du maquillage parfois, mademoiselle, pour être un peu plus jolie. Mais s'il y en a qui mettent beaucoup trop de maquillage, et alors, ça fait trop. Ok. Et si ils pensent peut-être que les rayures feraient trop? Pour le look qu'il cherche, plutôt sobre, classique, sophistiqué. Voilà, donc il a peur que ce ne soit plus sobre. Et pourquoi les rayures qu'elle a proposées ne font pas trop? Parce qu'elles sont fines. Les fines rayures, on dit en anglais pinstripes. D'accord. Very small. Très très fine, pratiquement imperceptible. So, elle montre, il aime bien, alors il veut l'essayer aux cabines d'essayage. Eh oui, maintenant il est convaincu. Oui, parce qu'il est à sa taille, il dit. Après l'avoir essayé, donc voilà, le costume lui va, exactement. Et si on dit « c'est ma taille », est-ce qu'on peut dire ça aussi? Oui, c'est la même chose. C'est la même expression pour dire que le costume lui va bien. Ok, so c'est exactement pareil. Il est à ma taille, c'est ma taille. C'est la même chose. Mais pas tout à fait. Non, il y a quand même un petit détail à régler. Quel? C'est que les manches sont un peu longues. Les manches sont un peu longues. The sleeves. Et aussi? En plus, il est un peu serré dans le dos. Ok. C'est un peu serré dans le dos. Mais normalement, dans une boutique où on peut acheter les costumes et tout ça, ouais. Il y a toujours une solution si c'est un peu trop serré, un peu trop long ici, trop serré là, dans le dos et tout ça. Puisqu'ils ont, passons, un service de retouche. Un service de retouche. Voilà. Alors, les services de retouche, c'est seulement pour les vêtements? Oui, en fait, faire une retouche, ça apporte une modification à un vêtement. Ah oui, c'est toujours les vêtements alors. Oui. Ok. Donc, il veut assurer que ce qu'il veut était bien compris alors. Donc il lui dit, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume. Ou, mais au niveau du dos, il y avait un problème. En fait, quand on a un service de retouche, ce qu'ils font là, c'est qu'ils reprennent les vêtements. Reprendre, en fait, ça veut dire apporter une modification. Faire des retouches. Exactement. Mmh. Et en plus, il dit reprendre le costume au niveau du dos. Oui. Et avant, il dit dans le dos. C'est pareil? Oui, c'est une autre façon de dire dans le dos. Celui-ci, il aurait pu dire également, ils reprennent le costume dans le dos pour le desserrer. Oui. Et pour le desserrer, ça sert à quoi dans cette phrase? Donc, comme il était un peu serré dans le dos, on va rendre le costume un peu plus ample. Donc, si on dit simplement qu'ils le reprennent, on ne sait pas ce qu'ils vont apporter comme changement. Mmh. C'est un peu un synonyme de faire des retouches. Oui. OK. Voilà, et c'est pour ça qu'on ajoute pour le desserrer. OK. Ce qui veut dire en fait to let it out. Voilà, ouais. In the bag, right? Si on voulait take it in because it's too big, he wants it made smaller, what would he say? Pour le resserrer. OK. Alors, elle a bien compris. Pas de problème. C'était bien. Ouais. Il a décidé, on va faire des retouches, tout ça. Mais bon, c'est quand même une bonne vendeuse, donc elle propose une chemise. La première proposition, c'était une chemise bleue. Ouais. Mais pourquoi? Donc, elle dit pour allier sobriété et élégance. Pour allier. Ouais. Sobriété, comme sobre, classique, et élégance. So, allier, ça veut dire combiner. C'est ça, mettre ensemble. On peut dire qu'on a aimé les meubles dans la maison parce qu'ils ont allié le moderne et l'ancien. Ok. Alors, elle a proposé une chemise bleue et quoi d'autre? Et des boutons de manchette aussi. So, quel sort de boutons de manchette? Alors, ils sont en argent. Mais argent massif. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça veut dire que c'est l'argent vraiment grand? Massive silver? Non, c'est que c'est du pur argent. It's like solid silver. Voilà. Et en plus, elle a une idée encore derrière la tête. Oui, c'est pas tout. En plus, elle propose aussi une cravate. Qui va bien se marier avec l'ensemble? Qui va bien se marier? Ici, ça veut dire qui va bien aller ensemble. Bon, et à se marier, c'est les couleurs se marient, par exemple. Voilà, ouais. Est-ce que cette chemise se marie avec les pantalons que je porte aujourd'hui, par exemple. Mm-hmm. Mais ce qu'elle dit, c'est une cravate de soie dans les tons bleus azur. A blue shade. Exactement, ouais. Et ici, c'est azur. En plus. Okay. C'est un petit peu plus spécifique. Et puis après, elle dit que cette cravate fera l'affaire. Mm-hmm. On a une petite expression là, faire l'affaire. OK. Ça veut dire que ça va convenir. OK. Ce serait assez, ça conviendra. Voilà. Mm-hmm. Fera l'affaire. Ouais. It'll do the trick, be enough, be right. Mm-hmm. OK. Bon. Et lui, il serait satisfait puisqu'il dit excellent, mademoiselle. Excellent, Erika. Maintenant, on réécoute le dialogue. OK. Bonjour mademoiselle. Alors voilà, j'ai absolument besoin d'un nouveau costume pour une importante réunion demain. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Vous recherchez quelque chose de plutôt sobre, je suppose. Disons un costume noir ou... non, plutôt gris foncé? Du gris foncé, c'est une idée. Avec des rayures blanches, par exemple? Des rayures, vous êtes sûr? Ça ne risque pas de faire trop? Non, regardez ce modèle avec de fines rayures, par exemple. Ah oui, il est beau. Je peux l'essayer? Bien sûr, les cabines d'essayage se trouvent au fond, à droite. Merci. Il est à ma taille, mais les manches sont un peu longues et il est un peu serré dans le dos. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous avons un service de retouche. Votre costume sera prêt en une heure. Eh bien, c'est parfait, mademoiselle. Mais s'il vous plaît, assurez-vous bien qu'il reprenne le costume au niveau du dos pour le desserrer. C'est noté, monsieur. Aussi, pour allier sobriété et élégance, j'ai pensé que cette chemise bleue et ces boutons de manchette en argent massif seraient idéaux. Pendant que vous les essayez, je vais vous chercher une cravate qui se mariera bien avec l'ensemble. Je pense qu'une cravate de soie dans les tons bleu azur fera l'affaire. Excellent, mademoiselle. Okay, we're back. Now, there's a sentence here. There's so many things we can say about it. Right. First of all, the sentence we had with assurez-vous bien. So the first thing is, this is a sentence you would use if you were giving instructions. You want to make sure that they got it, you know. So this is what you would say in that situation. C'est bien ça. Donc quand on veut être sûr qu'une chose soit faite. Okay, so what is it again? Assurez-vous bien que. Et ici dans le dialogue, assurez-vous bien qu'il reprenne. C'est très poli d'ailleurs justement de dire. Okay, here it's the reflexive verb. S'assurer. S'assurer. Right, because by itself, assurer means something totally different. So if you want to use it in the way like ensure, assure, it's s'assurer. But if it's assurer by itself, it means to ensure, like insurance kind of thing. Voilà, faut pas confondre. And then the last thing is it uses the subjonctif. Voilà, s'assurer que est suivi du subjonctif. Like here, assurez-vous bien qu'il reprenne. Voilà, donc la forme subjonctive de reprendre. Alors, on peut vous donner d'autres exemples. Okay. Assurez-vous bien qu'il parte à l'heure demain matin. Okay. What about with faire? Assure-toi bien que tu fasses ton travail dans les temps. Yeah, don't be late. Ouais. Okay, so another thing that was interesting about this dialogue. C'est la façon dont la personne parlait, le vendeur parlait. Right, especially when she was making some more suggestions of trying to get, like, upselling, trying to get him to buy some more things. And she suggested, like, you know, chemise bleue, les boutons de manchette and all that. But what she said was, j'ai pensé que cette chemise bleue. And she said, je pense qu'une cravate soit fera l'affaire. Tout à fait. Donc, elle soumet une opinion. Elle propose quelque chose au client. Yeah, because what's weird about it is how she said, I think, I don't know, an American sales situation. They wouldn't say, I think this goes well. They say, it does. Non, non. Because they're trying to get you to buy it, right? They wouldn't say, it's my opinion that this would look good with that. They would say, it is, does. You have to buy it. Oui, en France, ce serait impoli okay. de le dire de cette façon-là. OK. Because it would be pushy. Exactement. Mm-hmm. Donc, dans les boutiques, dans les magasins de vêtements, mm-hmm. les vendeurs vont faire des suggestions mm-hmm. pour donner leur avis, en fait. Right. Because they don't really make commission. Non, il n'y a pas de commission. Dans But they're also there because their job is to help you. Bien sûr. They really ouais. want to, you know, propose. They're not trying to do it to get you to buy more stuff necessarily. They really want to help you find the perfect ensemble. C'est vrai, si on a de bons vendeurs, un bon vendeur devrait faire ça. Yeah, I always found that. They just seemed really wanting to help me come up with a really good outfit, a good ensemble. It wasn't that they wanted me to just buy more stuff, really. Bon, là, t'as peut-être eu de la chance. Ils sont pas tous comme ça, quand même. Yeah, well, they at least gave that impression. Non, mais beaucoup, ouais. Donc voilà, nous voici arrivés à la fin de cette leçon. Bon, on peut se rejoindre sur French. FrenchPod.com. FrenchPod.com. You can mm-hmm. ask us questions there and practice your French writing, do all kinds of other things outside the podcast. Maintenant, au revoir. Au revoir.